Lyrics. Skit prod. Album gratuit sur internet. Enfin je m'initie à cet art, je ne viens pas imposer ma science dans le milieu, appelle-moi Lyrics, ravi de faire connaissance. Tu te demandes qu'est-ce que je fous là, c'est vrai je ne viens pas de la rue, je n'ai pas le style rappeur, pourtant j'écris mais qui l'aurait cru. Je ne mets pas toujours de survette, ni de casquette à l'envers. Qu'est-ce que tu crois, ça va m'empêcher d'écrire des coupettes 24 vers. Laisse-moi te dire tu as tort, je suis déçu si t'es de cet avis. T'as aucune idée de l'importance que le rap a prise dans ma vie. Des fois je me pose sur des phases dès que je sens l'inspiration. Lyrics c'est mon blast donc il faut justifier l'appellation. Dans l'aventure je ne suis pas tout seul, y'a toute l'équipe derrière pour m'épauler, pour m'aider, et crois-moi je peux en être fier. Il y a Freakers pour me soutenir, il y a Skito pour me produire, les proches pour me redécouvrir et les critiques pour me nourrir. L'envie de me dépasser, de m'améliorer, de travailler, de continuer à écrire jusqu'à ce qu'on arrête de me tailler. Et même au-delà t'inquiète, pour le rap je serai toujours au pied. Y'a que le manque d'inspiration et la mort qui peuvent me stopper. En fait attention, pour moi Lyrics ce n'est pas un simple personnage. Je ne suis pas un acteur, je fais le rap qui reflète mon image. Dans chacun de mes morceaux se trouve un bout de ma personnalité. Je ne suis pas là pour duper, je préfère la sincérité. C'est ma vision que je raconterai, tu peux me faire confiance. Lyrics et Lilian ne font qu'un, j'espère que tu en as conscience. 7-1-6-9, bête de connexion. Bio, le creusot, la force est faite par l'union. Freakord, Skit Prod, voilà mes productions. Lyrics c'est mon blaze et cette passion une révélation. 7-1-6-9, bête de connexion. Bio, le creusot, la force est faite par l'union. Freakord, Skit Prod, voilà mes productions. Lyrics c'est mon blaze et cette passion une révélation. Alors j'en suis là, à écrire ce qui me passe par la tête, à tout mettre en forme, jusqu'à ce que la chanson soit faite. Qu'est-ce que je vais dire, de quoi je vais parler dans mes lyriques. Arrête ce ton ironique, j'ai déjà reçu tous ces pics. Mais je m'en fais pas, ils verront bientôt qui je suis réellement. Ils verront de quoi je suis capable et que je parlais sérieusement. Malgré ma tête d'un télo, je suis conscient, j'ai mes pensées. Motivé par mes idéaux, j'ai des choses à revendiquer. Quotidien et proche sont une immense source d'inspiration. Ils me permettent de réfléchir, laisser mon imagination. Et c'est de plus en plus sérieux, je veux vraiment enregistrer. Depuis mon premier freestyle, je ne pense qu'à avancer. Poser mes faces devant un micro ne fut que du bonheur. Je me suis senti vivant, pour moi c'était vachement révélateur. Il y a 2 ans, je n'aurais jamais su que j'allais prendre cette voie. Et maintenant j'écris, je suis chaud, je m'entraîne et j'y crois. Je ne veux pas être prétentieux, mais je veux en surprendre plus d'un. Toutes ces personnes qui ne sont pas gênées de me cracher leur venin. À tous ceux qui m'ont jugé avant que j'écrive mes morceaux, je vous les dédicace pour vous prouver que vous avez parlé trop tôt. Maintenant je te laisse découvrir, j'espère que tu vas apprécier. Si tu n'aimes pas, je ne t'en veux pas, je ne suis pas du genre rancunier. Dis-moi plutôt ce qui n'allait pas pour que je puisse m'améliorer. Car qui sait, dans le prochain texte, tu seras peut-être représenté. 7-1-6-9, bête de connexion. Bio, le creusot, la force est faite par l'union. Freakord, Skit Prod, voilà mes productions. Lyrics c'est mon blaze et cette passion une révélation. 7-1-6-9, bête de connexion. Bio, le creusot, la force est faite par l'union. Freakord, Skit Prod, voilà mes productions. Lyrics c'est mon blaze et cette passion une révélation. Révélation. Révélation.